إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل la traduction et l'explication du livre intitulé أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. Donc le livre qu'on a traduit par, ou le titre traduit par les repères de la Sunna, ou également qui a le titre de la croyance du musulman. Pour ce qui est des questions, on s'arrête exactement à la question 155. Et pour bien comprendre, et pour faire un rappel par rapport à ce qui a précédé, il faut savoir que le shir, lorsqu'on regarde le début du livre et jusqu'à cette question, la question 155 et celles qui vont venir donc ensuite, le shir en réalité il a établi son livre suivant l'ordre du hadith de Jibril alayhi salam. On sait ce hadith que tout le monde connaît et qui est un des plus grands hadiths qui traite donc de l'islam de façon générale, mais également de l'iman et donc de la croyance. Ce hadith, lorsque Jibril sous la forme humaine est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donc posé des questions afin donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réponde et par là qu'il enseigne sa communauté. Donc on va voir que le shir dès le début il a commencé à parler de ce qu'est l'islam, parce qu'on sait que la question que lui a posée d'abord Jibril c'est par rapport à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre. Donc on s'aperçoit que dans les premières questions le shir va parler de l'islam. Ensuite il va lui poser la question du Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'iman, et on va voir donc ensuite que le shir il va parler ensuite de l'iman, de la foi. Donc qu'est-ce que l'iman? On va voir que le shir a déjà répondu à certaines questions qu'il a donc lui-même posées, sachant que son livre donc et sous la forme de questions-réponses, et on avait déjà expliqué que c'était un moyen très instructif de pouvoir assimiler, de comprendre les questions en relation avec la croyance. Et donc le shir nous avait posé plusieurs questions par rapport à la définition de l'Iman. Qu'est-ce qu'on entendait auprès, bien entendu, des gens de la Sunna du consensus par ce terme l'Iman, ce que cela comprenait. Et ensuite, le shir d'expliquer les 6 piliers de la foi. En commençant par le premier pilier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril, qui est l'Iman ou Billah. Et dans l'Iman ou Billah, le shir, il est rentré donc dans ce qui va concerner l'Iman ou Billah. Il a donc parlé du Tawhid al-Rububiyah, Tawhid al-Ilahiyya. Il a également parlé du Tawhid al-Asma wa Sifat, et on a vu beaucoup de règles que le shir va énumérer à travers ces questions qu'il pose, en prenant en considération ce chapitre qui est l'Asma wa Sifat. Et ensuite, il a continué le shir, bien entendu, suivant les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Jibril. Et donc, il a continué par la foi, donc, aux anges, aux livres, aux prophètes. Et ça, bien entendu, on l'a déjà expliqué et on l'a traité, donc, à travers l'explication en langue française de ce livre. Et on a rapporté d'autres questions qui étaient également en rapport à cela. Ensuite, un grand chapitre également qu'on a vu, c'était par rapport à l'Iman bil-yawm al-akhir, qui est donc l'avant-dernier pilier, et le shir de développer également et de faire rentrer, de nous expliquer tout ce qui est rentré dans l'Iman bil-yawm al-akhir. On avait également expliqué d'autres questions qui étaient en rapport à cela, et on s'était élargi par rapport à ces questions-là, en traitant de al-masail al-qabr, tout ce qui est en rapport avec la croyance par rapport à al-qabr. On avait vu également de façon détaillée les signes précurseurs de la venue de l'heure. On avait vu que cela rentre également dans Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, et que les savants l'avaient fait rentrer dedans lorsqu'ils avaient traité des thèmes de la croyance, et plus précisément en ce qui concernait l'Iman bil-Yawm al-Akhir. Donc on avait également détaillé et fait plusieurs cours sur cela. Ensuite, le shir de passer à l'Iman bil-Qadar, qui est donc le dernier pilier de l'Iman, comme cela a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également il avait expliqué plusieurs questions. Plusieurs questions. Également, ce qui est rentré en revenant en al-Yawm al-Akhir, on a vu donc plusieurs choses. On a vu al-Sirat, al-Mizan, on a vu l'Iman bil-Jannati wal-Nar. Tout cela donc a été vu à travers les cours. Donc on s'aperçoit, et pourquoi ce rappel-là ? Pour bien maintenant savoir, après que le shir ait parlé du dernier pilier de l'Iman, qui était donc l'Iman bil-Qadar, et de nous rapporter certaines questions par rapport à la prédestination, de bien comprendre donc le fil conducteur de ce livre. Et qu'ensuite le shir maintenant, il va nous parler, il va revenir donc à l'Iman, il va donc revenir plus précisément aux branches de l'Iman. Donc on voit maintenant pourquoi la question elle vient à ce moment-là, une fois qu'il a donc tout expliqué, le shir, de façon bien entendu résumée, parce que le livre reste résumé, sachant que Hafiz, rahimahullah, il a écrit un autre livre beaucoup plus détaillé, qui est beaucoup plus détaillé que ce livre-là, qu'il y a, on va dire, dans une seconde étape, et qui s'appelle bien entendu Ma'arij al-Qabul, et dont le shir a lui-même expliqué ce livre, sachant que ce livre-là, à la base, ce sont des vers qu'il a lui-même édités et écrit concernant donc la croyance, et ensuite il a expliqué ces vers-là qu'il a écrits lui-même. Et donc un livre qui est disponible et qui est enseigné par beaucoup de gens de science, alhamdoulilah, mais qui est en réalité une seconde étape. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus vaste. Il va parler de beaucoup plus de questions. Alors que ce livre va rester par rapport donc à celui-là, beaucoup plus résumé. Et beaucoup plus facile quant à l'apprentissage, vu qu'il est sous forme de questions et de réponses. On va comprendre maintenant pourquoi le cheikh va nous parler à la question 155 des branches de la foi, sachant qu'il a terminé tout ce qui était en rapport par rapport à l'arcane et l'iman, les piliers de la foi. Donc il va revenir sur cette dernière question pour clôturer en réalité cette deuxième réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de l'islam, ou plutôt il a répondu à Jibril par rapport à ce qu'est l'islam. Le cheikh ensuite a terminé, il est passé donc à l'iman, et bien entendu ça a pris une très grande partie du livre. Donc maintenant il va clôturer ce qui est en rapport à l'Iman, donc la foi, et il va passer ensuite à l'Ihsan. Il va passer ensuite à l'Ihsan, ce qu'est l'Ihsan. Pourquoi ? Parce que Jibril lui a posé cette question-là par rapport à l'Ihsan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, et on verra donc ce que le shir va nous expliquer par rapport à cela. Et ensuite, après cela, comme l'a fait le shir et ça de façon habituelle, on a vu que dans beaucoup des questions qui étaient par rapport à la croyance, comme par exemple Al-Asma wa Sifat, comme par exemple Al-Ubudiyya, comme par exemple Al-Rububiyya, on voit toujours que le cheikh, lorsqu'il part d'une question, il va venir nous poser une question qui est ou ce qui va rentrer à l'opposé, ou ce qui va en réalité s'opposer ou contredire ce qu'il a établi suivant les preuves du Coran, de la Sunna. Par exemple, il a parlé de Al-Rububiyya, donc de la seigneurie d'Allah Azzawajal. Il va donc poser la question, quel est le contraire, tout ce qui va être opposé à Ar-Rububiyya. Taïb, de même il l'a fait pour ce qui était Al-Ubudiyya, de même il l'a fait pour ce qui était de Al-Asma wa Sifat. De même là il va le faire, le shir, en ce qui concerne Al-Iman. Donc il nous posera donc des questions, qu'est-ce qui va être à l'opposé de Al-Iman, qui vient donc contredire Al-Iman, qui vient contraire à la foi, Al-Iman. Et donc il va rentrer ensuite, à partir de là, dans Aqsam al-Kufr. Il va parler donc de toutes les catégories de la mécréance, du Kufr. Et également il va parler du Nifaq, parce que ça aussi, le Nifaq, ça vient contraire, ça vient contredire et ça vient s'opposer à la foi. Et ensuite le shir donc de terminer son livre avec des questions multiples, c'est-à-dire donc à titre de complément. Et on verra donc que le shir va nous parler également pour ce qui est de notre croyance par rapport à l'innovation, par rapport également aux Sahaba, et encore d'autres questions qui viennent donc compléter le sujet, qui viennent donc compléter l'explication en réalité du hadith de Jibril, donc à travers ces questions-réponses que le shir a établi. Donc voilà, c'est un petit résumé pour nous rappeler tout ce qu'on a étudié auparavant et qui va nous permettre donc d'enchaîner sur la suite, et pour ceux qui n'ont pas suivi auparavant, de comprendre exactement quel est donc le fil conducteur de ces cours. Donc à la question 155, le shir va nous poser cette question-là. Il va nous dire « Kam shu'ab al-iman » c'est-à-dire donc « Combien sont les branches de la foi ?» Combien sont les branches de la foi ? On voit que le terme qui est employé ici, c'est tout simplement le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il va employer. Donc on voit déjà un point qui est important, et c'est le minhaj de Ahli Sunnati wal Jama'a et bien entendu de nos salafs, c'est qu'ils vont reprendre dans les livres qu'ils traitent quant à la croyance, ils vont reprendre les termes du Coran et de la Sunna. Ils vont reprendre donc les termes du Coran et de la Sunna. Ils vont les expliquer. Donc on voit ici que le shir, lorsqu'il va nous parler des branches de la foi, il a bien repris le terme en arabe shu'ab. Il aurait pu prendre un autre terme qui va lui être similaire, mais il a pris le terme shu'ab parce que c'est le terme qui a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et ça, en réalité, c'est un minhaj qu'ont suivi les salafs et tous ceux qui les ont suivis ensuite, qui se sont toujours accrochés à ce qu'on appelle al-fav, donc les termes qui ont été employés par Allah Azza wa Jalla dans son Coran et par les termes qui ont été employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Contrairement donc à ce qu'on appelle al-mutakallimun et beaucoup de gens de l'innovation qui ont été employés des termes qui sont bien loin des termes employés par le Coran et la sunna. Et donc on va le voir dans le hadith qu'il va nous rappeler le shir en ce qui concerne donc ce terme shu'ab, et qui est le pluriel de shu'ba, shu'batun. On dit shu'batun, donc que l'on traduit par branche, et son pluriel c'est shu'ab. Donc ici c'est bien employé au pluriel, et le terme on va le retrouver dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu singulier. Pourquoi? Suivant bien entendu les règles, lorsqu'il est précédé d'un chiffre, et également à la fin du hadith, on s'en apercevra, parce qu'il va tout simplement parler d'une seule branche de la foi. Donc le pluriel c'est shu'ba, shu'batun, donc c'est au féminin, singulier donc féminin, et au pluriel c'est shu'ab. Donc kam shu'ab al-iman, combien sont les branches de la foi? Awalan, il va répondre par un verset du Coran, et on a vu que le shir, et c'est ça le minhaj des gens de la sunna et du consensus, lorsqu'ils parlent de la croyance, ils reviennent tout simplement au livre d'Allah et à la sunna. On s'est aperçu durant tout ce livre, durant les 154 questions qui ont précédé, que le shir à chaque fois va répondre dans un premier temps par des versets du Coran, et ensuite par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici la méthode qui se répète. Il nous dit قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ça c'est pour le verset. Et le verset donc, il va contenir ici ce qui est en rapport avec la foi. Et on va voir que, à travers ce verset, il va avoir des actes qui vont rentrer dans la foi. Lorsque Allah Azza wa Jal va nous parler de la foi ici, et plus précisément de al-birr, et qui va nous dire que al-birr man amana billah, c'est-à-dire ceux qui ont cru, et qu'ensuite il va Allah subhanahu wa ta'ala détailler. Donc le verset et le sens rapproché de la traduction: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Donc on voit ici la croyance. Pourquoi? Et l'iman, parce que le terme qui est employé dans le verset du Coran, c'est bel et bien man amana. Man amana, donc qui vient du terme al-iman, qui est ici le verbe. Man amana billahi wal yawm al-akhir. Donc, qui a cru en Allah, qui a cru au jour dernier, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Au livre ici, wal-kitab, c'est au singulier. Mais on a vu que dans le Coran, lorsqu'il est employé au singulier, le kitab, soit il veut dire le livre lui-même, et c'est dans la plupart des cas le Coran, ou alors il veut dire le jar, c'est-à-dire al-jins, le jar. Et donc lorsqu'on dit le jar, il va rentrer donc dedans tous les livres. Jami' al-kutub al-munazzal, c'est-à-dire tous les livres qui ont été descendus de la part d'Allah Azzawajal, que ce soit la Torah, que ce soit l'Évangile, etc. Tout ce qu'on avait cité donc à travers l'explication ou les données que nous avait donné le shir, parce qu'il avait parlé de iman bil-kutub. Donc al-kitab ici, en réalité c'est le jar. Donc ce sont les livres. Ça concerne donc tous les livres, de croire en tous les livres. Wal-nabiyyin, et bien entendu les prophètes. Et ensuite, de donner de son bien, quel qu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Donc on voit ici que le shir, il va nous parler de l'iman, de la foi, à travers ce verset du Coran, et qu'il va mettre en évidence qu'elle a plusieurs branches. Ici on va comprendre que la foi, elle a plusieurs branches, parce que ce qui est cité ici par Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous explique ce qu'est al-birr, on va voir qu'il y a cette croyance, cette foi, et qu'il rentre dedans des actes. Et donc ces actes que l'on voit, le fait de donner de l'argent aux orphelins, aux nécessiteux, le fait de délier les jougs, le fait d'accomplir la salah, d'être endurant dans la misère, etc. Tout ça, ça va rentrer bien entendu fi al-iman. Ça va rentrer donc dans la foi, et donc dans les branches de la foi. Et donc on va voir à partir de là que c'est une réponse donnée par le shir à travers ce verset du Coran, qui va nous dire qu'il y en a donc plusieurs. Et après donc avoir cité ce verset là, sachant qu'il y a maintenant plusieurs branches de la foi, il va nous citer le verset, ou plutôt le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, salawatullah wa salamun alayhi, va nous donner un nombre précis des branches de cette foi là. Il va nous dire ensuite le shir: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Ensuite, dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, il va nous donner un nombre, donc il va nous donner une précision, le prophète صلى الله عليه وآله وسلم. Cette précision donc ici que l'on a grâce à la sunna, qu'on a grâce à la sunna, et qui vient donc ici préciser, qui vient déterminer, et cette détermination se fait à l'aide de ce chiffre-là, ou par ce chiffre-là. Une question se pose ici, lorsque le prophète sallam a parlé des branches de l'iman, il nous a dit qu'il y en avait bid'un wa sittun, et on reprend bien le terme bid'un wa sittun. Qu'est-ce que veut dire donc sittun? C'est une soixantaine. Sittun, c'est une soixantaine. Sachant qu'il va avoir deux riwayat. C'est-à-dire qu'il va avoir ici deux versions de ce hadith. Une qui va nous dire une soixantaine, et ensuite on va revenir sur ce que veut dire le terme bid'un, et une autre qui va nous dire 70. 70. Et qui est le terme donc sab'un. Donc deux versions. Et qui sont en réalité les deux authentiques. Pourquoi? Parce que la première, elle est rapportée par l'imam Al-Bukhari dans son authentique, donc uniquement celle qui est de 60, et elle est également rapportée par l'imam Muslim dans son authentique. Que ce soit Sab'oun, que ce soit Sittoun. Sachant que l'imam Al-Bukhari, lui, il a simplement cité celle qui était de 60. Qu'est-ce que veut dire donc ce terme Bid'oun? Lorsqu'on dit 60, c'est pas exactement 60, c'est plus. Parce qu'on a ce terme Bid'oun. Au niveau de la langue arabe, les savants donc nous disent que Bid'oun, c'est min thalath ila tisa. C'est-à-dire c'est de 3 jusqu'à 9. Lorsqu'on veut dire, ou lorsqu'on emploie ce terme Bid'a, on veut tout simplement dire un chiffre qui va donc ici varier de 3 à 9. Taïb. Est-ce que maintenant, lorsqu'on dit de 3 à 9, est-ce que le 3 il est compris? C'est-à-dire qu'on va dire de 3 à 9, ou alors de 4 à 9, il y a irtilaf entre les gens de la langue arabe, même d'autres qui nous donnent également d'autres explications par rapport à ce qui est de Bid'a. Al-Ashhur, ce qui est le plus apparent ou le plus répandu chez les savants, c'est min thalath ila tis, donc de 3 jusqu'à 9, bid'un. Donc à partir de là, on va comprendre qu'on rajoute donc ce terme à sittoun ou sab'oun. Maintenant, pour revenir à ces deux riwayats, se poser la question, sachant qu'il y a donc ici bel et bien une divergence, ou on va dire une différence entre les deux chiffres qui nous ont été rapporté par le prophète sallam dans ces deux hadiths. On le répète, les deux hadiths sont authentiques. Les deux hadiths sont authentiques. Donc il va y avoir parmi les savants qui vont donc donner une interprétation à cette différence que l'on trouve dans ces deux versions. Il va y avoir certains savants qui vont en réalité eux prendre ce qu'on appelle la méthode du tarjih. C'est-à-dire tout simplement prendre une version du hadith et délaisser l'autre. Et donc argumenter que cette version qu'ils ont choisie va être plus forte que la seconde par rapport à divers procédés, surtout en revenant à la science du hadith, etc. Ou autre encore. Et d'autres qui vont employer une deuxième méthode et qui est al-jam'a, qui est donc le fait de rassembler les deux versions et de donner une explication, une interprétation quant à cette différence que l'on trouve donc dans ces deux versions et qui vont relater deux chiffres qui sont différents, qui sont eux différents. Donc à partir de là, on va voir qu'il y a tarjih chez certains savants et d'autres al-jam. Et sachant que, et ça c'est une règle que l'on retrouve chez les savants et surtout al-usuliyoun, les savants spécialisés dans les bases, on va voir que toujours ce que l'on doit emprunté comme méthode en priorité, c'est al-jam, c'est rassembler. Lorsqu'on a deux hadiths qui sont en apparence, bien entendu, lorsqu'on dit en contradiction, c'est en apparence, car il ne peut y avoir de contradiction par rapport aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est tout simplement une contradiction qui est due à notre manque de compréhension. Enam. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les savants, eux, ils interprètent, ils nous expliquent pourquoi cela, en revenant à d'autres versions, etc., en faisant donc un effort d'interprétation et en cherchant dans les nousous, c'est-à-dire dans les textes, ce qui va nous permettre de comprendre ce qui est en apparence une contradiction. Donc on est bien, et on rappelle bien que ça c'est par rapport à notre compréhension uniquement. Donc la voie qui doit être mise en priorité, c'est al-jam, c'est donc de rassembler. De rassembler, suivant bien entendu, la possibilité de rassembler donc les versions entre elles, ou alors de rassembler les différents hadiths entre eux. Ici donc c'est une question de version. C'est une question de version. Donc on va voir que rassembler, c'est en priorité par rapport au fait de faire ou de choisir une des versions par rapport à une autre. Et pour ce qui est donc de Al-Jam, le fait de rassembler ces deux versions, beaucoup vont dire qu'il n'y a en réalité pas de contradiction entre les deux. Pourquoi? Comme nous l'explique l'imam Abu Hatim, rahimahullah, il va nous dire tout simplement que يقول فإن العرب قد تذكر لشيء عدد ولا تريد نفي ما سوى. C'est-à-dire que les Arabes, parce qu'on est bien ici dans la langue arabe, on est bel et bien ici lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle en langue arabe et il emploie donc des règles de la langue arabe, sachant que cette langue arabe elle a des règles et elle a des qawa'id Taïb, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe sallallahu alayhi wa sallam et qu'il utilisait donc cette langue là pour parler. et donc dans beaucoup d'explications, on revient à la langue arabe pour comprendre cette langue arabe. Si on ne comprend pas cette langue arabe, comment on va comprendre donc les paroles du prophète sur cela, mais ce qu'il a voulu dire? Donc c'est plus qu'évident de revenir donc à cette langue là et Abu Hatim nous explique que les arabes, et ça c'était connu chez les arabes, et c'est d'eux qu'on a pris donc les règles, sachant qu'avant, ça c'est une parenthèse que l'on fait qui est intéressant à comprendre, c'est qu'avant il n'y avait pas de règles qui étaient écrites de la langue arabe. Enam, il n'y avait pas de règles, c'est-à-dire des livres de grammaire, ça n'existait pas, ça, du temps des arabes. Mais ces règles là comme on pourrait dire, elles existaient sur leur langue lorsqu'ils parlaient, elles étaient belles et bien présentes. Le grand imam du Nahou, Sibawayh, que tout le monde a entendu parler, Imam Sibawayh, dans son livre Al-Kitab, lorsqu'il a mis en place donc les règles de la langue arabe, et lorsqu'on dit il les a mis en place, il les a en réalité rapportées. Il les a rapportées. Comment il a fait, Sibawayh, pour rapporter ces règles de la langue arabe dans son livre Al-Kitab? Il a tout simplement pris ces règles de la bouche des Arabes eux-mêmes, des poètes, etc. Et donc à chaque règle qu'il va énumérer, il va nous rappeler, bien entendu, ce que les Arabes eux disaient. Et cette règle qui va se répéter et qui va apparaître sur la langue des Arabes. Taïb. Et ensuite donc, pour simplifier à ceux qui vont ensuite apprendre la langue arabe, donc de comprendre et d'avoir donc des bases pour comprendre ce qu'est donc ce que sont ces bases, et pour donc apprendre de façon saine la langue arabe. Sinon, ça aurait été plus que difficile d'apprendre directement de la bouche des gens. Taïb. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, l'imam Sibawayh? Il a tout simplement écouté les Arabes. Il a écrit ce qu'ils disaient. Il en a donc déduit les règles. Et c'est pour ça que plus tard, on va voir qu'il y aura plusieurs écoles, et principalement deux écoles au niveau de la langue arabe. Ceux qui suivent donc l'école de Al-Basra et ceux qui suivent l'école de Al-Kufa. Et on verra qu'il va y avoir entre eux des divergences. Et lorsqu'il y a des divergences entre eux, chacun va apporter des preuves par rapport à quoi, principalement. Bien entendu, ils vont revenir au Coran et à la Sunna, mais sachant qu'il y a des divergences par rapport à la Sunna, sachant que on sait que dans la Sunna il y a ce qui était rapporté bil ma'na, ce qui était rapporté par le sens, etc. À la kulli hal, sans rentrer dans les détails, ils vont revenir beaucoup donc aux paroles des Arabes et surtout des poètes, et c'est pour ça qu'on va, lorsqu'on va étudier un livre en langue arabe, c'est-à-dire qui est plus évolué qu'un livre de base, on va tout simplement s'apercevoir qu'à chaque divergence qu'il y a eu entre les savants par rapport aux règles, ils vont tous s'appuyer sur des vers que disaient les Arabes pour prouver que cette règle-là, elle est bien présente, ou alors pour annuler cette règle-là, pour en prouver son contraire, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. C'est que lorsqu'on va expliquer la sunna du prophète, on va revenir donc, dans beaucoup de cas également, à la compréhension de la langue arabe. Donc on va encore, et une fois de plus, va apparaître que la langue arabe, c'est un point qui est plus qu'essentiel pour celui qui veut apprendre réellement le din, qui veut apprendre la religion, et qui de plus veut approfondir ses connaissances dans le din, donc de passer par cette langue arabe. Donc il va nous dire, Abu Hatim, pour fermer cette parenthèse et pour revenir à la parole de l'imam Abu Hatim, comme nous l'a rapporté l'imam al-Nawawi, fi kitabi, fi sharh al-Sahih al-Muslim, kitab al-Minhaj, il va nous rappeler tout simplement que les Arabes, eux, ou pour rappeler une chose, ils lui donnaient donc un nombre. Mais ils ne voulaient pas, par ce nombre-là, nier ce qui était autre que ce nombre-là. C'est-à-dire un nombre qui va être supérieur, ou un autre nombre qui va être inférieur, sachant que les deux, ils vont être authentiques. Ça, c'est un procédé qui était utilisé par les Arabes. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces deux hadiths, lorsqu'il nous dit 60, et donc ce qu'on va associer à la soixantaine avec Bid'a, ou alors 70, on va voir qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est-à-dire que on va retrouver 70 et on va retrouver également 60, parce que 60 est bel et bien compris dans 70. 60 est bel et bien compris dans 70. À la kulli hal, al-jam' a été fait, c'est-à-dire le rassemblement a été fait par beaucoup de savants. Chacun a donné son explication, sans entrer dans tous les détails. On sait que ces deux versions sont authentiques. Et on sait donc que cette iman, elle a ce chiffre qui a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'ensuite on va voir que des savants, beaucoup de savants ont tenté donc d'établir, suivant le Coran et la Sunna, ce nombre de branches-là. C'est-à-dire en revenant à ce nombre-là qui nous est indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir dit ce nombre, il va donc nous indiquer quel est le plus haut ou la plus haute branche quant à son degré, quant à son importance. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. C'est donc cette parole-là qui est kalimat al-tawhid et qui est donc le tawhid. Qui est donc le tawhid. Donc on voit encore une fois l'importance du tawhid et comment il va apparaître à travers ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va nous dire que le plus haut degré dans la foi et donc la plus haute branche, c'est la ilaha illallah, cette parole-là. Et tout, bien entendu, tout ce qu'elle contient et tout ce qu'elle implique, son contenu. Wa adnaha, et donc qui va être contraire, le moins important donc ici par rapport au degré, c'est doter du chemin ce qui cause du tort. Ce qui cause du tort. Et ensuite, le prophète de nous indiquer. Et donc on voit bien ici qu'il y a une parole. Qawlu la ilaha illallah. Donc cette parole-là. Et ensuite il y a un fi'l. Ou amal, c'est-à-dire donc un acte. Ou adnaha imatatul adha an at-tariq. Le fait donc d'ôter du chemin ce qui cause du tort. Ça c'est un acte et ça rentre dans l'iman. Fi musamma al-iman. Le prophète sallam a bel et bien fait entrer cet acte-là dans ce qu'on appelle l'iman. Tayyib. Et ensuite wal haya'u shu'batun min al-iman. Donc on voit encore le terme employé shu'batun. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Donc le terme qui était repris par le shir. Shu'batun ici au singulier bien entendu. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et donc la pudeur est l'une des branches de la foi. Donc ça fait partie donc de la foi. Donc le prophète sallam nous a donné également un exemple ici en nous citant le haya et son importance, la pudeur. Pour revenir donc pour ce qui est de l'iman, et lorsqu'on a fait cette parenthèse ou expliqué à travers le hadith que le prophète sallam a bien fait rentrer l'acte dans la foi, il faut savoir que ce qu'est l'iman, et ça, pour qu'on n'y revienne pas en détail sur son appellation, parce que ça a été fait lorsque le shirk, il a parlé de l'iman, avant donc même de rentrer dans tous les détails de l'iman. Donc ça a été fait bien auparavant. Mais à titre de rappel, il faut savoir que les salafs, lorsqu'ils parlaient de l'iman, ils disaient « qawlun wa amal ». Ça, c'est de façon générale. « Qawlun wa amal ». D'autres qui disaient « qawlun wa irtiqad wa amal », etc. À la kulli hal, ce qui est revenu et qui est le plus souvent rappelé de nos salafs, c'est que l'iman « qawlun wa amal ». C'est donc une parole et c'est également un acte. C'est donc une parole et c'est également un acte. Et donc à travers cela, à travers donc cette, lorsqu'on établit cette appellation et cette définition de l'iman prise donc de nos salafs, on va tout simplement s'écarter de tous les gens de l'innovation et qui se sont égarés quant à cette question-là de la foi, comme ceux qui ont fait sortir Al-Amel, ceux qui ont fait sortir les actes de donc de cette foi-là, Al-Ladina yukhrijun Al-Amel min musamma al-Iman. Donc tout cela, ce sont en réalité des actes qui sont ou des paroles qui sont complètement contradictoires à la croyance des gens de la Sunna du consensus qui disent eux qawlun wa amal. Lorsqu'il dit qawlun, c'est bien sûr qawl bil lisan, c'est donc la parole de par la langue. Et lorsqu'on revient ici au hadith du prophète, qawlu la ilaha illallah. Donc le fait de dire par la langue la ilaha illallah, ça c'est l'iman. Donc le fait de prononcer shahada de par cette langue-là. Également ils disent el qawl, qawl bil qalb. Qawl bil qalb, donc la parole de par le cœur. Et ici, ce qui va traduire en réalité l'irtiqad, donc le fait de croire de par son cœur en ce mot la ilaha illallah. Et de tout ce qu'il va impliquer, de croire en tout ce qu'il va impliquer et tout ce qu'il contient. Donc ça c'est l'irtiqad. Qawlun bil lisan, ou également bil qalb. Ou également ils disent amal. Donc le deuxième c'est wa amal. Ou l'amal, c'est également ici amal bil qalb. Sachant que le cœur, il a également des actes. Le cœur, il a également des actes. comme cela on l'a vu plusieurs fois, comme le fait d'avoir peur, comme le fait d'avoir l'espoir, etc. Tout ça, ce sont des actes du cœur, ce qui rentre donc dans le cœur. Wa amalul jawarih est donc l'acte des membres. L'acte des membres. Tout ce que va faire nos membres et qui rentre donc dans l'iman et tout ce que l'on va donc faire ressortir de la sunna du prophète sallam. Comme à cet exemple-là. Wa adna imatatul adha anit tariq. Le prophète sallam nous a donné ici un exemple de ces actes-là qui vont être faits donc par al-jawarih, par les membres. Al-jawarih, par les membres. Le fait donc d'ôter du chemin ce qui cause du tort. Donc ça, cette définition, c'est à titre de rappel. Ensuite, le shir, il va nous dire dans la question numéro 156, bima fassara al-ulama ou hadhi shu'ab. C'est-à-dire, comment les savants et de quelle manière les savants ont-ils interprété ces branches? Donc l'interprétation de ces branches-là, Ali Shu'ab. Il va nous rappeler le shir, que beaucoup de savants, Jama'a, un groupe de commentateurs, Min Shurrah al-Hadith, ceux qui ont donc expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont écrit dans ce thème-là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, le shir, qu'ils ont écrit plusieurs livres. فيها التصانيف فأجادوا أفادوا. Donc il y a, ils ont écrit عدها, donc ils ont préparé des livres quant à cela. Ils ont préparé plusieurs livres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de savants qui ont écrit des livres, surtout ceux qui ont expliqué le hadith, les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. Comme à titre d'exemple, Abu Abdullah al-Halimi dans son livre Al-Minhaj, qui va donc expliquer ce qu'est ces branches-là. Également l'imam al-Bayhaqi dans son livre, dans son fameux livre appelé Shu'ab al-Iman, etc. Et d'autres encore savants, beaucoup d'autres savants qui ont donc fait des tentatives d'explication de ces Shu'ab. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire le shir ici? Et c'est ce qui est très important. Il va nous dire bien entendu que ce qu'ils ont fait, fa'ajadu afadu, c'est-à-dire c'est un travail qui était excellent et qui nous ont apporté beaucoup de bénéfices, que leur travail qu'ils ont fait a été très bénéfique quant à la connaissance de ces Shu'ab. Mais il va nous dire, le shir, ça c'est ce qui est le plus important, وَلَكِنَّ لَيْسَ مَعْرِفَةُ تِعْدَادُهَا شَرْطًا فِي الْإِيمَانِ بَلْ يَكْفِي الْإِيمَانُ بِهَا جُمْلَةً. Il va nous dire, le shir, que ce n'est pas une condition, donc, de d'énumérer et de compter et donc de détailler ces branches-là. Ce n'est pas une condition dans la foi. Shartan fil iman. Donc ce n'est pas une condition de connaître, et ça ici c'est bien entendu ma'rifa. Walakinaysa ma'rifatu ti'dadiha shartan fil iman. Walaysa ma'rifatu ti'dadiha shartan fil iman. Donc ce n'est pas une condition de connaître tout ce qui était énuméré et donc les dénombrer, une condition à notre foi. Enam. Pourquoi? Bal yakfi al-iman biha jumlatan. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y avait ce nombre de shu'ba, ce nombre donc de branches. Il nous dit le shir, il nous suffit, c'est ce qui nous suffit par rapport à l'authenticité de notre foi, pour que notre foi soit authentique, d'y croire, et ça de façon jumlatan, donc de façon générale. C'est de dire, je sais qu'il y a donc ce nombre de branches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a citées, et sans les savoir chacune en détail, je sais en réalité qu'ils existent et qu'ils sont présents dans le Coran et de la Sunna. Ça c'est ma foi à moi. Donc le fait que j'y crois de façon générale, et donc ici le contraire de tafsilan, jumlatan c'est le contraire de tafsilan, ça aurait été donc le fait d'y croire en détail, de savoir une par une quelles sont ces branches là et il nous dit le shir, c'est également très important, wa yala takhruj an al-kitab wa sunna. C'est-à-dire qu'elles ne sortent pas, ces branches-là, du livre de la Sunna. Donc celui qui va apprendre le livre d'Allah Azzajal, celui qui va approfondir ses connaissances et apprendre la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va retrouver automatiquement ces branches-là. Sans savoir chacune d'elles, c'est-à-dire le fait de les dénombrer. C'est pour ça qu'il nous dit, فَعَلَى الْعَبْدِ اِمْتِثَالُ أَوَامِرِهِمَا وَاِشْتِنَابُ زَوَاجِرِهِمَا والتصديق أخبارهما وقد استكمل شعب الإيمان والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف يحتاج إلى توقيف Le cheikh va nous dire que ce qui importe le plus ici, فعلى العبد, ce qui est important pour ce qui est de la position du serviteur quant à ses shu'ab, quant à ses branches, c'est qu'il se conforme aux ordres contenus donc dans ces deux sources, que ce soit dans le Coran et la Sunna, et donc qu'il évite également, qu'il évite les interdictions s'y trouvant, qui s'y trouvent également, et de croire donc aux informations qu'ils nous fournissent, que ce que nous a fourni le Coran et la Sunna, on y croit dans toutes les informations. Donc c'est quoi mon iman, moi, pour qu'elle soit authentique? C'est tout simplement que je dis tout ce qui se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Et lorsqu'on dit Sunna, bien entendu, une condition ici va être émise, c'est la Sunna authentique. La Sunna authentique. En sortant d'ici les hadiths qui sont non authentiques, ceux qui sont da'if, ceux qui sont mourdours, et tout ce qui va rentrer fi aqsam al-hadith al-da'if, tout ce qui va rentrer dans les catégories du hadith qui n'est pas authentique, qui est faible, et dont on ne peut prendre l'information. Dont on ne peut prendre l'information et la rendre telle qu'elle, c'est-à-dire comme étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma foi ici se résume à cela, c'est que je crois tout ce qui est venu dans le Coran, à tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Taïb de façon jumlatan. De façon jumla, ça c'est ma croyance. Et maintenant, à chaque fois que je vais apprendre, à chaque fois que je vais apprendre des versets du Coran et qui contiennent donc tout ce qui est en relation avec l'iman et tout ce que donc je dois établir comme ordre, donc les ordres d'Allah, les interdictions d'Allah, donc je dois éviter les interdictions d'Allah, m'écarter des interdictions d'Allah, et tout également les akhbar, toutes les informations qui me sont données par Allah dans son Coran, chaque fois donc que je vais apprendre, tout simplement, ma science va augmenter. Et donc par là, mon iman va augmenter par rapport donc à la connaissance en détail de cela. Donc plus je vais avoir de science, et automatiquement, plus ma foi va être détaillée. C'est-à-dire que je vais avoir foi en cela de façon bien précise. Tout ce que j'aurai donc appris, taïb, tout ce que j'aurai donc appris. Et tout ce que je n'ai pas appris, j'y crois de façon jumlatan, donc de façon générale. Et tout ce que je vais apprendre demain, je vais y croire ensuite de façon détaillée, comme cela. Donc on voit également ici la relation qu'il y a étroite entre la science et entre donc la foi. Donc cette foi qui va devenir de plus en plus détaillée lorsque cette science-là va augmenter chez l'abd, chez donc l'homme. Et donc elle va augmenter de par la connaissance de ce qui est devenu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant authentique, et bien entendu avant cela dans le Coran. Donc c'est dans ce sens que le shirk, il nous dit bien fa'al al-abd. Ce qui est essentiel pour lui donc, c'est qu'il prenne en considération tout cela en faisant partie de sa foi et qu'ensuite il l'applique. Et nous dit le shirk que tous les gens de science qui ont donc rassemblé et qui ont donc dénombré ces shu'aba, tout cela est réel, est vrai, haqqun. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, ils l'ont pris du Coran, de la Sunna, donc c'est réel, il n'y a pas de doute. Par contre, et c'est là ce que va nous spécifier le shirk et qui est très important, il va nous dire al-qat'a. C'est donc le fait d'affirmer avec certitude et d'être sûr que ce que nous avons donc écrit à travers donc ce dénombrement des shu'ab de l'iman, c'est ce que le prophète Sam il a voulu exactement. Donc affirmer avec certitude que cela est ce que le prophète sallam a voulu, muradun nabi sallam, dans ce hadith, ça en réalité ça va exiger ila tawqif. Kayf ma'na ila tawqif? Et comment on va comprendre réellement cette phrase du shirk? Les gens de science, ils ont dit il y a par exemple ce nombre de shu'aba, je les cite une par une. Taïeb. On va voir qu'un autre savant, il va également lui citer des branches. Donc certaines branches, peut-être que lui, il a vu qu'elles rentrent dans les branches, ne vont pas être chez l'autre savant, que lui également, il a dénombré. Taïeb. Donc il va avoir ici des différences. Donc chacun, c'est suivant son ijtihad, suivant donc son effort d'interprétation qu'il a fait lorsqu'il est revenu au texte du Coran et de la Sunna. Par contre, dire ensuite que ce que lui, il a écrit, c'est exactement ce que le prophète Sam, il a voulu à travers donc cette parole, l'imam bid'un wa situna ou bid'un wa sab'un, ça, en réalité, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut être sûr avec certitude que ça a bel et bien été qu'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a besoin par rapport à cela de s'arrêter. De s'arrêter où ? À un texte. Lorsqu'on dit tawqif, on se rappelle que ce terme-là, tawqif, on l'avait déjà vu plusieurs fois, tawqif. Lorsqu'on avait parlé à titre d'exemple, l'ibadatu tawqifiyya. C'est-à-dire donc que l'adoration ne peut être faite. Elle va s'arrêter à quoi ? Des textes. C'est-à-dire qu'on ne peut adorer Allah Azzawajal et faire des actes d'adoration suivant ce qui est présent dans le Coran et la Sunna. Donc on ne peut adorer Allah Azzawajal que suivant les textes coraniques ou les textes de la Sunna. En dehors de cela, on ne peut pas. Donc on va s'arrêter à cela. C'est-à-dire que tawqif, on va s'arrêter à cela. De même ici, on ne peut donc affirmer et avoir la certitude que de ce qu'on a nous dénombré, ça va bel et bien être tous les shu'ab, ça va bel et bien être toutes les branches de la foi. Là, à partir de là, il nous faudrait en réalité un texte, c'est-à-dire un texte que le prophète lui-même nous ait détaillé cela. Il nous a détaillé donc ce nombre-là et ce qu'il a voulu par ce nombre-là. Tant qu'on n'a pas de texte par rapport à cela, on ne peut donc affirmer par certitude que ça a bel et bien été voulu du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers donc ce hadith. Ensuite, il va passer donc à la question 157. Il va ici donc nous donner un exemple où ce que l'imam al-Hafir ibn Hajar a lui rappelé de l'imam ibn Hibban rahmatullah ala al-jami' par rapport donc à un essai dénombrement de ces shu'ab, de ces branches. Et c'est ce qu'on verra inshallah la semaine prochaine, ou le cours prochain plutôt, parce que c'est assez long inshallah. Donc on va s'arrêter ici bi'idhnillah ta'ala et on continuera donc le prochain cours qui sera bi'idhnillah ta'ala ce mardi cours, continuation du cours du livre A'lam Sunnah. Subhanakallahumma bihamdika. Shadun la ilaha illa anta astaghfiruka.